Une fade est une sorcière, une magicienne. Aller aux fades désigne une entourloupe. Le plus grave, au plan éthique, est le comportement du partenaire qui s'entend avec les adversaires pour faire peur de son équipe. Il va déjouer sur une main décisive, par exemple. Ses partenaires se sont fait enfader, mascarer, noircir. Ils se font carrer, ils se font avoir. Le joueur trop mou est qualifié de fla, de flacasse ou encore de mouligasse. L'imprévisible est du genre Nessie ou Fadoli, un peu fada. Celui qui parle beaucoup est une maïs, terme qui revêt une connotation péjorative et nous renvoie au farandoulaire plus qu'au grand joueur. À l'opposé, on trouve le boucasse, le gros bouc, personne bourrue, renfrognée. Le calos est un bout de bois. Au sens figuré, il peut signifier obstacle. Un dévarié n'a plus sa tête. Il escampe ses boules, les jette n'importe comment. Dans ces conditions, il risque de dévarier le jeu, de démarquer. Dévarier l'adversaire est un moyen parmi d'autres de lui faire gâcher des boules. Certes, le règlement fédéral interdit de s'adresser à un membre de notre équipe, mais on peut toujours le faire discrètement, en lâchant des petites phrases assassines. Un ami pour traverser le terrain, ou tout au moins bouléguer, bouger au moment où l'autre va jouer. On peut se moucher, taper dans les mains, frapper du pied ou faire tuster, cogner ses boules. Tout cela a pour but d'attisser l'autre, de le provoquer afin de le dévarier, pour le couper le bras et qu'il s'estrasse. À Marseille, s'estrasser, c'est mourir de rire. À Languedoc, c'est d'abord gâcher. Et s'estrasser, c'est être mauvais. Il a estrassé sa boule. On s'est estrassé. Un joueur dynamise ses équipes. Est-ce pas le moment de s'estrasser, Zou? C'est pas le moment de se laisser aller. On se bouge. Celui qui s'estrasse de longue, souvent, c'est un toti, une gamate, un pas dégourdi, une auge de maçon, terme usité plutôt en Provence. Le mari cabau est désagréable, tant comme partenaire que comme adversaire. Il les rembaille, les rabroue. C'est pire avec le cherche-brègue, le querelleur. Il est capable de braquer le tireur adverse, de se positionner pratiquement face à lui et de le regarder fixement dans les yeux. Son comportement est exacerbé lorsque, entre les joueurs, il y a de la pique, de l'animosité. Pire encore, si l'on a affaire à un pébron qui a penté ou chimé, un buveur qui a picolé. Le mieux, c'est d'être crespiné, d'avoir de la chance.